Et de suite, donc, c'est vrai que nous avons un programme en chargé aujourd'hui. Voilà. Lorsque Christine est absente, après, tout se recharge derrière. Mais c'est très bien, c'est ça que j'aime. C'est d'avoir un programme bien chargé. Vous êtes tous là, d'une part à l'écoute, d'autre part présents. Et malgré cette pandémie qui nous gâche bien la vie, on doit continuer, on doit faire force et en se protégeant, pouvoir sortir, pouvoir continuer un minimum de nos vies. Et aujourd'hui, nous recevons les Lions Club. Bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va bien. Il faut. Ça va bien, il le faut, n'est-ce il pas? Il le faut, voilà. Tout à fait. Donc, j'ai l'honneur d'avoir face à moi Marie Svac. Voilà, qui va nous parler donc de la présentation, de la vente des chrysanthèmes que vous allez avoir très prochainement en partenariat. C'est le Lions Club qui lance cette vente, n'est-ce pas? Oui, c'est la deuxième année que nous faisons cela. Donc, nous vendons des chrysanthèmes et nous les vendrons le 24, samedi 24. Sur l'esplanade du théâtre d'Orléans pour aider une famille dont l'enfant Marc est atteint d'une maladie, le syndrome de Netherton, et c'est une maladie incurable jusqu'à ce jour. Donc il est reconnu quand même comme handicapé à 80% et il vit dans l'agglomération orléanaise. Voilà. Donc, nous sommes... ça fait donc 9 ans. Et tout cela pour aider la famille, dans la mesure où beaucoup des soins qui sont donnés à ce jeune ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Malheureusement. Voilà. Et c'est le cas, d'ailleurs, de beaucoup de maladies orphelines. Quand par exemple ce syndrome de Netherton fait que sur le visage par exemple ça fait comme des brûlures au niveau du visage et puis un aspect d'écailles sur tout le corps, il faut donc tous les jours il y ait des bains, des soins, des séances de kiné, des rendez-vous médicaux, enfin donc et malgré ça, cet enfant, ce jeune, a quand même une très grande volonté, un beau sourire. Et nous, c'est pour ça qu'on continue à se battre pour aider cette famille. Et ben, bravo à vous et merci pour lui. Et nous, Radio Arc-en-Ciel, se rejoint à vous de la meilleure manière. C'est vrai que c'est pas toujours évident on ne sait pas comment aider. Et aujourd'hui, nous, Radio Arc-en-Ciel, la meilleure façon de l'aider, c'est de promouvoir cet événement et de faire un grand appel à vous dire, soyez présents. Donc, samedi 24, sur le parvis du théâtre d'Orléans, vous serez là pour vendre des chrysanthèmes, au profit donc, de cette association. C'est une association. Qui s'appelle Le petit Marc, qui n'est plus si petit que ça. Qui a grandi. Qui a grandi, voilà. Donc, à partir de 9h jusqu'à 17h, nous serons là-bas. J'espère qu'il n'y aura pas de contretemps, parce qu'au dernier moment, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas pu se faire. Malheureusement. Voilà. Donc, et c'est ça qui est malheureux, parce qu'on ne peut pas... On aimerait avancer plus et donner plus. Et malheureusement, voilà, on est contraint, c'est tout le monde comme ça. Mais on ne les oublie pas. On est là pour eux. Et peut-être qu'il y a un site, il y a des réseaux sociaux aussi pour pouvoir entrer au cas où que la vente ne se fait pas, justement. Y a-t-il un moyen de rentrer en contact d'après un site, d'après des réseaux sociaux pour qu'on puisse... Justement, pour faire des dons, voilà. Ou pour aider Marc de notre meilleure manière. Et vous allez peut-être nous communiquer tout cela. L'association. C'est l'association du Petit Marc, c'est ça? Voilà, association du Petit Marc. Qu'on trouvera facilement donc, sur les réseaux. Oui, tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas à chercher sur les réseaux donc, l'association Petit Marc. Et si vous avez donc dans l'idée de faire un don à ce jeune homme et puis pour cette association et tant d'autres, malheureusement, que la société d'aujourd'hui les oublie un petit peu et que c'est bien malheureux. Et on est là donc pour aider à promouvoir ce moment que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir vendre ces chrysanthèmes. Donc samedi prochain, c'est samedi 20, samedi 24, prochain, c'est samedi oui. prochain. Très bien. Bon, en tout cas, le message est passé et j'espère que les gens vont être présents ce jour parce que bon, la pandémie est là, mais ne nous empêche pas d'aller faire nos courses et notamment d'aller acheter des chrysanthèmes, tout n'est-ce à pas fait. Oui, oui, oui. Vous êtes attendus avec impatience. Voilà, et puis que ça marche énormément et qu'on puisse faire un grand don donc à ce jeune homme et qu'on puisse l'aider un maximum à vivre presque normalement. Voilà, c'est le plus important. Tout à fait. En tout cas, ben, merci beaucoup. Et je puis à samedi prochain alors. D'accord. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et merci. Merci à vous.